La communauté internationale condamne vertement les États-Unis et la Corée du Sud qui ont décidé la disposition d'OSAD en Corée du Sud. Le comité suisse-coréen et le cercle d'études des étudiants de Suisse, l'organisation des vétérans pour la paix des États-Unis, l'association d'amitié France-Corée et le comité national d'études du Kim-Sunni-Singim-Junglisme des Nigériens ont indiqué dans leur déclaration commune, déclaration et en page d'Internet, que cette dernière décision est le signe de l'ambition sournoise américaine rêvant la suprématie mondiale à travers la domination militaire en Asie-Pacifique. Les peuples du monde est pris de paix et la communauté internationale, telle que l'agence de presse Chine Nouvelle, le responsable du groupe de solidarité de Russie avec la République populaire démocratique de Corée, le secrétaire général du comité d'études des étudiants de l'Afrique, condamnent vertement la disposition de OSAD en Corée du Sud.